Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. C'est extrêmement tranquille dans le monde du sport. Ce matin, on va parler à deux reprises. D'abord, des voyageurs de Ville-Saguenay, des voyageurs qui ont perdu à deux reprises dans le programme double contre Laval. Ils ont perdu 12 à 4 et 11 à 7. Dans le match de 12 à 4, Jesse Mullen a été le lanceur perdant. Et dans la défaite de 11 à 7, la défaite est allée à Vincent Tardif. Parlons maintenant du côté de judo. Il y avait une compétition qui s'est déroulée en fin de semaine et c'était la Coupe panaméricaine qui était disputée au Panorama. Et Marie Besson, chez les moins de 52 kilos, a terminé au cinquième rang dans sa catégorie. Maintenant, du côté du vélo de montagne, il y avait une compétition en fin de semaine en République tchèque. Et Victor Véro de Saint-Félicien a terminé au 96e rang dans la catégorie U23. Tant qu'Aléandre Bouchard d'Alma, il a pris le 39e rang dans sa catégorie. Sport local et régional, à donradosport.com.